bien les hommes. Dans ma caravane, je mets ma webcam et je vois des femmes. Elles sont au Vietnam et moi à Paname. Dans ma caravane, je mange une banane et mange une grenade sur des pantalons. Avec ma webcam, elle est multifonction et moi ça me calme, même si c'est tout con. J'achète des palmes et je viens pas de Cannes, hein. Je me les fous dans le fion. J'achète une webcam, la mets dans mon blouson. Je reviens à la rame dans le port de Toulon. Ça fait les biceps quand même, ouais. Je mange ma webcam avec des petits oignons. Je commande un kebab, je paye pas l'addition. Je paye pas l'addition. Je paye pas l'addition. Je paye pas l'addition. Je paye pas l'addition. Je paye pas l'addition. Je t'ai dit que je la payais pas cette putain d'addition, tu le comprends? Je paye pas l'addition. La guerre c'est trop cool et j'aime les munitions. Et moi ça me fout les boules de chanter cette chanson. Mais je continue quand même envers et contre tous. Car il est vrai que j'aime me triturer le bout. Triturer le bout. Triturer le bout. Masturber my bouquet. Masturber myself. Masturbate myself. Masturbate myself. Masturbate myself. Masturbate myself. Masturbate myself. Masturbate myself. Masturbate myself. Masturbate myself. Chanson. On a parlé des webcams. Oh putain, on n'a pas parlé des webcams. Merde. Putain, reprends. Allez, 1, 2, 3, 4. Avec ma webcam, la fusion est totale. Dans ma caravane, attention au platane. Avec ma sombre cache, je fais des ravages. Je fais voir les pages. Je vais voir l'espace. Avec mes copinous, on se fait des bisous. Et on est tous fans sur Facebook et webcam. Avec ma webcam. On continue? Je ne fais même plus de sexe, j'utilise ma webcam. Je nettoie mes chiottes avec ma webcam. Avec ma webcam, j'écoute la musique avec ma webcam. Je change mon slip. Encore un coup, ouais. Non.